Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, mort d'un enfant du siècle, l'assassinat de John Lennon il y a 40 ans tout juste, d'où cette journée spéciale sur France Inter aujourd'hui. Car enfin, pouvait-il y avoir pire nouvelle en ce 8 décembre 1980 que le meurtre d'un artiste pacifiste, universel ? John Lennon, dont l'œuvre majeure est d'avoir créé les Beatles, le plus grand groupe de musique populaire du XXe siècle, n'aura pourtant régné sur lui que pendant la première moitié du parcours du groupe. Ensuite, c'est Paul McCartney qui prend le leadership au moment où les Beatles sont au sommet de leur art, poussant la recherche à des niveaux jamais atteints jusque-là dans la musique contemporaine. Paul McCartney, c'est le Mozart des Beatles, mais il ne possède pas ce sens de la communication que manie si bien John Lennon. Mieux qu'aucun autre sur la planète pop, John a su se servir des médias, pour le meilleur et parfois pour le moins bon. Et puis son engagement politique est révolutionnaire, sa mort par assassinat à l'âge très jeune de 40 ans fait de lui une icône incontournable et pour la nuit des temps. Pour autant, réduire cet artiste hors norme à une simple dimension médiatique serait passer à côté de l'essentiel, à côté de son immense talent d'auteur-compositeur-interprète. En tout cas, c'est cette grande vie qu'une toute petite vie, celle d'un certain Mark Chapman, nous a enlevé un soir de décembre 1980, nous privant de notre part de rêve. Notre invité aujourd'hui, Jacques Volcouve, historien des Beatles, auteur de nombreux livres sur le sujet. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Coy Nguyen, Jérôme Chélius et Lauriane Toulmont. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. This is a special production of ABC News. We interrupt this program to bring you a special bulletin. Former Beatle John Lennon is dead. Again, John Lennon is dead. Mama, don't go! Is dead. Novembre 1980, alors que les Américains viennent d'élire un ancien acteur, Ronald Reagan, à la tête du pays le plus puissant du monde, c'est en fait John Lennon qui crée la surprise qui envahit l'espace médiatique. Avec son épouse, Yoko Ono, il sort un nouvel album intitulé Double Fantasy. Enfin un nouveau disque de John. On l'attendait depuis près de 5 ans, depuis que le chanteur s'était retiré de la vie publique, quasi reclus dans son somptueux appartement de New York, tout en haut du très élégant Dakota, l'une des demeures de stars les plus célèbres au monde. 10 ans plus tôt, c'est Paul McCartney qui crée l'événement, un frisson planétaire, en annonçant la séparation des Beatles, ce qui avait rendu Lennon fou de rage. Paul l'avait devancé sur le terrain médiatique, le terrain de John, sa chasse gardée. Un mois plus tard, sortira l'album Let It Be, enregistré un an plus tôt. Et finalement, c'est Abbey Road, un album paru à la fin de l'année 1969, qui marquera la fin artistique des Beatles. Come Together sur Abbey Road, une ode, une célébration, un tract écrit par John en hommage à Timothy Leary, pape du LSD, éphémère candidat au poste de gouverneur de l'État de Californie. C'est aussi un appel de John aux trois autres sur le thème « Allez, une dernière fois, unissons-nous pour un disque, une épure, comme au début de l'aventure ». Cet album Abbey Road, c'est aussi une image, une photo qui est dans toutes nos mémoires. Vous savez, c'est la fameuse pochette sur laquelle on voit les Beatles traverser un passage piéton devant les studios Abbey Road, précisément. Tout est symbole sur le cliché, le plus fascinant se trouvant d'ailleurs en arrière-plan. Regardez bien cette pochette et regardez le numéro d'immatriculation de la Volkswagen garé sur le côté gauche. 28 IF. Comme s'il était IF en vie, il aurait 28 ans. 28, comme sur la voiture, oui, 28 IF. Réponse à une légende imaginée par un disque jockey, une histoire selon laquelle, depuis 4 ans, le McCartney des Beatles serait un sosie, car le vrai se serait tué en voiture. Fin de la parenthèse. Sur cette pochette si symbolique, ce n'est pas un hasard si dans leur marche, les Beatles tournent le dos au studio EMI, comme s'ils tournaient le dos à l'épopée Beatles, cette entité collective dont John Lennon, désormais, tient tant à s'émanciper. Cet album solo plus tard, en novembre 1980, Double Fantasy arrive chez les disquaires. Quelques semaines plus tard, le John des Beatles deviendra Lennon pour son propre compte, celui de son art et de son engagement contre la guerre, une voix de liberté, des chansons, des slogans et des coups médiatiques qui ne sauraient toutefois mettre en cause leur sincérité. Lennon, l'enfant du siècle devenu mythe. Again, John Lennon is dead. Mama, don't go! Retournons à New York au début du mois de décembre 1980. À la sortie de Double Fantasy, c'est la lutte chez les journalistes pour publier la première interview de l'ex-Beatles qui n'en a pas accordé depuis si longtemps. Une seule photo, un seul mot depuis 1975, 5 ans de silence, 5 ans, oui, comme l'âge de Sean, son fils unique, celui qui focalise toutes ses attentions et ses pensées. 8 décembre 1980, 15h55. Après une interview avec le disc-jockey Dave Sholin, qui décroche le Graal, John et Yoko montent dans une limousine direction Record Plant Studio pour travailler sur un nouveau titre, une nouvelle chanson chantée par Yoko Ono, où John joue simplement de la guitare. Après de longues heures d'enregistrement, ils retournent chez eux au Dakota. Cette nuit-là, l'atmosphère est exceptionnellement douce pour un hiver à New York. Et comme d'habitude, de jour comme de nuit, une petite troupe de badauds attend devant l'entrée, près de l'arche gothique et de la guérite en cuivre du Dakota Building. Il est 22h50 quand la limousine s'arrête dans le virage. Yoko sort, John la suit, le couple pénètre dans le hall de l'immeuble et quelqu'un fait irruption sous l'arche de l'entrée comme une ombre. 5 coups de feu retentissent, John s'écroule éparpillant autour de lui les cassettes qu'il transportait. Mama, don't go! This is a special production of ABC News. Quelques minutes plus tard, sur la chaîne NBC, en plein milieu d'un programme, une annonce frappe l'Amérique et bientôt le monde entier. We interrupt this program to bring you a special bulletin from NBC News. Nous interrompons ce programme par un flash d'information spéciale. Former Beatle John Lennon is dead. Lennon died in a hospital shortly after being shot outside his New York apartment tonight. L'ancien membre des Beatles, John Lennon, est mort ce soir à l'hôpital, peu après s'être fait tirer dessus en bas de son appartement de New York. A suspect is in custody but has not been identified. Un suspect est d'ores et déjà en détention, mais son identité n'a pas encore été révélée. Again, je vous le répète, John Lennon is dead tonight of gunshot wounds. John Lennon est mort ce soir dans ce qui semble être une fusillade. At the age of 40. Il avait 40 ans. Nous retournons désormais à nos programmes. We now return to the Tonight Show. John Lennon est mort, assassiné par balle à New York. Oui, il avait 40 ans. 186 Blake Street is apparently secure from ground level. Okay, we're gonna reach Dès qu'il entend les coups de feu, le portier du Dakota Building, Jay Hastings, déclenche l'alarme reliée au poste de police le plus proche. On installe le chanteur à l'arrière d'une voiture de police. On le transfère à l'hôpital Roosevelt. Dans le même temps, sur toutes les chaînes américaines, les programmes sont interrompus pour une édition spéciale comme rarement l'Amérique en avait connu. Des dizaines d'équipes de télévision sont envoyées sur place pour retransmettre l'événement, les premiers éléments de l'enquête, les réactions. Un homme ce soir est mort à New York comme des dizaines chaque nuit, mais cet homme-là, c'est John Lennon. Quand on est journaliste, on sait qu'à ce moment-là, une page de l'histoire du monde s'écrit en direct. Ce soir, ce 8 décembre 1980, un coup de froid vient de s'abattre sur New York et sur tous les États-Unis. Il est 23h, une fine pluie s'abat sur Central Park et sur le Dakota Building. Déjà, des centaines de fans sont présents, bougies à la main, beaucoup pleurent. D'autres se tiennent chauds serrés autour d'un magnétophone où tournent en boucle les chansons des Beatles, celles de John. Certains chantonnent déjà ces mélodies, ces chansons de paix. This is ABC News Nightline. Reporting from Washington, Ted Koppel. Good evening. If you've been anywhere near a television set or a radio these past few hours, you already know that John Lennon of the Beatles is dead. Mama, don't go! À l'hôpital, c'est l'effervescence. À 23h15, devant des dizaines de micros et de caméras, Stephen Lynn, un médecin de l'hôpital, déclare devant la presse. John Lennon was brought to the emergency room. A été amené ici aux urgences de l'hôpital Roosevelt Saint-Luc ce soir, peu avant 23h. Il était mort à son arrivée ici. Extensive resuscitative efforts were made. Tous les efforts possibles pour le réanimer ont été tentés. Et en dépit des transfusions qu'il a reçues, il n'a pas pu être réanimé. Who was he shot, Doc, and how many times? He had multiple gunshot wounds in his chest, in his left arm, and in his back. Il avait de multiples blessures par balle, une au niveau de sa poitrine, une au niveau de son bras gauche, une dans le dos. How many shots did he go? There were seven wounds in his body. Au total, il avait sept plaies dans le corps. De l'autre côté de l'Atlantique, en Angleterre, Paul McCartney, qui enregistre un nouvel album, vient d'apprendre la nouvelle. Il a perdu son alter ego musical, son ami d'adolescence. Face au fantasme d'une reconstitution des Beatles un jour, George Harrison, le guitariste solo du groupe, avait pris l'habitude de dire, avec son humour so British, « Les Beatles ne se reformeront pas tant que John sera mort ». Rétroactivement, il définissait ce qui s'est passé ce soir du 8 décembre 1980. La mort d'un homme, oui, mais la mort d'un artiste et surtout la mort d'une icône et aussi la mort des Beatles et finalement d'une époque. Sous le choc de la nouvelle, l'ex-patron des Beatles, le génie musical du groupe Paul McCartney, ne trouve pas les mots à la sortie de l'hôtel pour exprimer sa peine. Il part s'enfermer dans sa résidence de campagne, se terrer dans le silence. Pourtant, déjà, dans toute l'Europe, on entend résonner sur les radios les premières chansons en boucle des Beatles. En France, c'est au réveil du 9 décembre que la nouvelle tombe. La musique rock est en deuil. John Lennon, l'ex-Beatles, a été assassiné cette nuit à New York. Rapidement sur les lieux, et elle a pu arrêter l'assassin, un détraqué qui avait déjà un casier judiciaire et qui apparemment n'avait aucun motif rationnel pour tuer celui qui était le plus célèbre des Beatles. On dit toutefois qu'il suivait John Lennon depuis plusieurs jours. Les témoins ont indiqué que le chanteur-compositeur a vite perdu énormément de sang, tant par la bouche que par ses blessures. C'est une voiture de police qui l'a emmené à l'hôpital où les médecins ont commencé une transfusion de sang et tenté de le ranimer. Mais c'était déjà beaucoup trop tard. Lennon, qui était resté plus ou moins en séclusion ces dernières années, était enfin de retour au hit parade. Il venait de sortir son premier disque en 5 ans, un disque acclamé par ses fans dès sa diffusion. Son épouse Yoko Ono était avec lui lorsqu'il a été tué. Son corps doit être transporté ce matin à la morgue de l'hôpital Bellevue, où une autopsie sera effectuée. Mais pourquoi avoir tué John Lennon ? Pour un slogan ? Une chanson ? À New York, l'auteur des coups de feu vient d'être arrêté. Il a 25 ans. Il ne fait pas partie de la génération des John et des Beatles. Après avoir tiré, il a lâché son arme, puis s'est accoudé au mur. Il a regardé sa victime mourir, sans bouger. Il lit l'attrape-cœur de Salinger. Son nom, vous le connaissez sans doute, Mark Chapman, devenu aussi célèbre que Lee Harvey Oswald, l'assassin de John Kennedy. L'Amérique est une terre étrange où l'on achète un permis de tuer avec une simple carte de crédit. En 1979, 10 728 personnes sont mortes, tuées par des armes à feu. En 2013, ce chiffre frôlait les 30 000 morts par an. Chapman est originaire du Texas, où il a vécu une enfance mouvementée, passant d'une ville à l'autre, essayant la drogue, le LSD, puis la Bible et d'autres paysages rêvés. C'est la musique des Beatles qui l'accompagne dans cette vie en ballottage. Il se console en écoutant John, Paul, Ringo et George, ces quatre Anglais, qui ont envahi tel un raz-de-marée toutes les radios du monde depuis 1962. Un phénomène. À chaque sortie d'un album, c'est un tremblement de terre chez les disquaires. Grâce à Brian Epstein, le manager des Beatles, l'homme de l'ombre, des coups médiatiques, des transformations physique des grandes tournées, le succès du groupe ne s'essouffle pas. Les quatre musiciens, que le marketing français appelle à l'époque et de façon la plus ridicule qui soit quatre garçons dans le vent, naviguent sans escale à bord de leur Yellow Submarine dans un règne sans partage, éclipsant tous les autres. Seuls les Stones leur résistent, plus ou moins. En 1964, après un premier voyage aux États-Unis, les Beatles sont de retour en Europe et, comme à chaque fois, c'est l'hystérie. L'aéroport de Londres se transforme périodiquement en terrain de sport, du moins chaque fois qu'une arrivée des Beatles est annoncée. C'est ce qui s'est produit récemment au retour d'Amérique du groupe dont la coiffure est aussi célèbre que les chansons. On va croire, et c'est pourtant vrai, vous ne rêvez pas. Mais dans tout cela, le business ne perd pas ses droits, Les Beatles, dont les disques ont déjà, paraît-il, réalisé 7 milliards d'anciens francs de chiffre d'affaires, sont en tout cas les seuls à l'heure actuelle à pouvoir s'offrir le luxe de provoquer autant d'évanouissements. Autre chose, c'est toujours un problème. C'est sans doute durant ces années qualifiées de Beatlemania que Mark David Chapman entonne les premières mélodies du groupe. Mais quel album a-t-il acheté en premier ? Help en 1965, Revolver en 1966, quelle est sa chanson préférée ? Le 5 décembre 1980, Chapman arrive à New York de Honolulu, Hawaï, où il est marié à une nippo-américaine, oui, comme Yoko. Dans son sac à dos, il transporte des dizaines d'heures de chansons des Beatles enregistrées sur des cassettes. Il a pris une chambre à la YMCA de la 63e rue. Il écoute le dernier album de Lennon et lit quelques interviews publiées par l'artiste depuis la sortie de Double Fantasy. Il rôde alors du côté du Dakota, traîne dans Central Park, scrute les sorties et venues de John. Le 8 décembre, vers 22h30, quand le chanteur sort de la limousine, Chapman est là, tapis dans l'ombre. Oui, dans l'ombre, comme le fut sa vie. Il sort son revolver 38 et tire à 5 reprises. Dans les jours qui suivent, les premiers articles de presse parlent de Chapman comme d'un déséquilibré, adulant Lennon, se prenant pour lui, mais ulcéré, déçu par certaines de ses phrases, de ses positions. Depuis sa rencontre avec Yoko Ono en 1966, John s'affirme dans ses choix, dans ses positions. Il n'est plus le jeune homme aux cheveux longs du rock Strawberry Fields, il n'est plus un Beatles formaté, lisse. Il aime à faire penser que dans le groupe, il est à la pointe de la branchitude. Oh, il oublie juste de dire qu'à l'apogée des Beatles, il vit, comme George et Ringo, dans une maison cossue de la banlieue de Londres, un peu éloignée du Swinging London, contrairement à Paul McCartney qui, lui, vit au cœur de la ville, en immersion totale avec l'art avant-gardiste. Bon, question de posture. En 1972, John Lennon explique ses positions et son positionnement dans une interview pour la télévision française. Vous faites de la politique à travers votre musique ? I still am mainly a musician. Je reste avant tout un musicien avec beaucoup d'autres choses qui m'intéressent à côté. Vous voyez, je crois que ma prise de conscience politique s'est faite entre All You Need Is Love et Power to the People. En fait, ça signifie une chose. Je crois que All You Need Is Love, c'est toujours vrai, mais je crois aussi qu'il faut maintenant autre chose pour aider. Comment vous situez-vous politiquement ? C'est la même que vous. Il semble que vous soyez plus engagé que du temps des Beatles. Oui, Beatles, c'était quelque chose d'énorme. Il fallait être un Beatle et rien d'autre. Beatles prenait toute votre vie, c'était ça le problème. Je veux dire, ça s'enflait jusqu'à devenir un monstre Beatle. Au début, c'était pas ça, c'était le bon temps. On jouait dans les boîtes, les salles de bal, on parlait avec les gens, c'était vraiment chouette. Et c'est devenu ce grand truc. Et c'est comme un type qui gagne des millions en Rockefeller ou Getty. Il devient tellement obsédé par l'argent, comment garder les millions, comment en gagner plus, qu'il oublie tout le reste. Et les Beatles, c'était devenu ça. Et les Beatles, c'est seulement une période de ma vie. J'ai encore une longue route à faire. J'ai vécu 20 ans de ma vie avant les Beatles. The Beatles was a period of my life, you know. I've got a long time to go. And I lived 20 years before the Beatles. Et pendant 10 de ces années, je ne connaissais rien à la politique et au monde. Et si j'avais pas de conscience politique, pourtant à ce moment-là, Marx et tout ça, par exemple, j'avais conscience de ma propre position dans la classe ouvrière à Liverpool, en train d'essayer d'entrer à l'université et toutes ces conneries qui vont avec. In a working class society, trying to make it in a university or a college and all the shit that goes with that. Alors les Beatles, c'est pas si important. The Beatles aren't that important. They are not, yeah. The Beatles sont morts. The Beatles sont morts, yeah. But if you did the autopsy of the Beatles, what you think you would. Qu'est-ce qui a tué les Beatles? Capitalism. Alors ce soir-là, ce 8 décembre 1980, qui est la victime de Chapman? John le Beatle ou John redevenu Lennon? En mars 1969, John épouse Yoko à Gibraltar. Depuis plusieurs mois, il proteste activement contre le conflit au Vietnam et il décide d'utiliser sa lune de miel pour accompagner les militants pacifistes dans leur lutte contre cette guerre et contre toutes les guerres dans le monde. Du 25 au 31 mars, il lance le premier Bedin à Amsterdam, Bedin for Peace. C'est une opération médiatique mêlant communication et expérience artistique dont Lennon a le secret. Connaissant l'appétit des journalistes sur la vie des Beatles, il les invite tous à venir filmer, enregistrer, photographier les jeunes mariés dans leur lit de noces et débattant sur la paix. Oui, débat. Tant pis pour ceux qui ont pensé « ébat ». Et ils étaient nombreux, frustrés. Pendant plus de 12 heures, des journalistes du monde entier télégraphient non-stop à leurs journaux les déclarations de John et Yoko. Every country has had a violent revolution for one reason or the other. Not one of them has the freedom we're all talking about. So we're saying give peace a chance. Fort de ce succès, il tente de nouveau l'expérience dans d'autres villes, dont Montréal, un mois plus tard, le 26 mai 1969. Cette fois, le cadre est plus large. Des paroles sont affichées sur les murs de la chambre de sa suite à l'hôtel Reine-Élisabeth. Des personnalités sont présentes, comme le militant Timothy Leary, le poète Allen Ginsberg ou la chanteuse Petula Clark, répondant ainsi à l'appel de John. De surcroît, il a préparé une surprise. Il prend sa guitare et gratte les premiers accords d'une chanson. « Give peace a chance »,« Donner une chance à la paix vient de naître » en direct. Quelques jours après le Bedin de Montréal, la chanson sort. C'est la première chanson officielle de la carrière solo de John Lennon. Le soir de Noël de cette même année, John et Yoko vont de nouveau faire parler d'eux. Les vœux de Noël les plus originaux, incontestablement ceux de l'excentrique Beatle John Lennon et de son épouse Yoko. À Londres comme à Amsterdam, à New York sur les murs de Times Square et dans d'autres grandes villes comme Paris sur les Champs-Élysées, des affiches sur lesquelles on peut lire « La guerre est finie si vous le voulez ». John et Yoko Lennon vous souhaitent un joyeux Noël. Campagne de persuasion, comment John Lennon et son épouse japonaise Yoko l'ont-ils organisé pour convaincre les hommes que la paix est en leur pouvoir ? We plan our campaign as an advertising campaign. Nous l'organisons sous forme de campagne publicitaire. Lorsque les gens veulent vendre du Coca-Cola ou d'autres marchandises, ils le font grâce à la publicité. By advertising it. And we're trying to advertise. Nous faisons de la publicité pour la paix afin d'en faire un produit rentable. Nous n'avons pas beaucoup de projets en cours si ce n'est un festival européen de la paix pour l'an prochain. Et je dois également monter un festival américain de la paix à Toronto, au Canada. Ce sont là nos projets immédiats. La guerre est finie, si vous voulez. John et Yoko vous souhaitent un joyeux Noël. Comme le Coca, la paix est un business. John Lennon en devient l'une des marques. Et à partir de cette date, à chaque intervention médiatique, il dénonce, affirme ses oppositions à la guerre, des guerres en cours dans le monde. De 1969 au mois de décembre 1980, il réalise plusieurs opérations de soutien, dont la plus célèbre est sa participation à un concert pour John Sinclair, un militant de l'extrême gauche américaine emprisonné pour avoir proposé une cigarette de marijuana à une policière infiltrée. Ses amitiés et ses déclarations lui valent l'attention continuelle des autorités américaines qui tenteront à plusieurs reprises de l'expulser. Il fait face et passe entre les goûts du FBI, mais pas entre celles de la presse qui lui décerne à rien vacharde le titre de clown de l'année. Pendant ces années de combat, John Lennon compose sa chanson la plus célèbre, un mélange de candeur et de combat, Imagine. Sortie en 1971, cette chanson prône un monde sans pays, sans nation, sans religion, sur des accords plaqués fascinants de simplicité et d'efficacité. Ce brûlot anti-impérialiste se propulse au sommet des charts américains. C'est plus qu'une chanson, Imagine, c'est un hymne. John s'en explique en 1972. So you asked me about Imagine, and I just like to say that Imagine, the album and the song, but the song in particular. À propos du disque Imagine, c'est simple, c'est la même chose que Working Class Hero, Mother and God dans le premier disque. Mais le premier disque était trop réel pour les gens, alors personne l'a acheté. Il a été interdit à la radio. Mais une chanson comme Imagine qui dit « Imaginez qu'il n'y ait plus de religion, plus de pays, plus de politique », c'est virtuellement le manifeste du Parti communiste, bien que je ne sois pas communiste en particulier. Je n'appartiens à aucun mouvement. is the same song and the same style with sugar on it. Imagine, c'est exactement la même chanson, c'est le même message, les mêmes idées, mais c'est enrobé de sucre. Or, Imagine, c'est un tube presque partout. C'est une chanson anti-religieuse, anti-nationaliste, anti-propriété, anti-capitaliste. Mais comme elle est enrobée de sucre, les gens l'acceptent. Et maintenant, j'ai compris comment il fallait faire. Faire passer un message politique avec du miel. Ce que nous faisons maintenant, avec Jerry, Yoko et les autres, c'est essayer de changer l'apathie chez les jeunes, l'apathie qui existe en l'Amérique, mais qui a gagné la France, l'Allemagne, l'Angleterre, qui est partout. C'est parce que tout le monde suit la mode américaine, à cause de la musique surtout. Le style du siècle a été façonné par l'Amérique. Les jeunes sont apathiques, ils pensent qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il vaille la peine, que tout est fini, ils veulent se réfugier dans la drogue ou se détruire. Et notre travail est leur dire qu'il y a encore de l'espoir, qu'il y a beaucoup à faire, qu'on doit sortir de nous-mêmes et changer leur tête. Leur dire, it's ok, on peut vous changer, c'est pas simplement fini parce que Flower Power n'a pas marché. Ce n'est que le début, la révolution ne fait que commencer. C'est le début des changements et ils sont apathiques parce que ça n'a pas marché, alors ils pensent que tout est foutu, mais il faut leur redonner la passion du possible. Chanter pour eux, parler, tout faire pour les faire revivre, et c'est notre boulot. Et de l'Amérique, on gagnera le reste du monde. From America, it will spread to the rest of the world. Vive la révolution. Mama, don't go! Le 14 décembre, quelques jours après les funérailles privées, des millions de personnes se rassemblent dans le monde pour 10 minutes de silence à la mémoire de l'ex-Beatles. À New York, 150 000 personnes se massent dans Central Park au Banshear. Ce théâtre en plein air est situé à la hauteur du Dakota, l'immeuble où John vivait. Sous un soleil froid et les rafales d'un vent glacé, Raymond Depardon, le documentariste français, est sur place au milieu de la foule. Il filme ces 10 minutes incroyables, suspendues dans le temps, scrutant les visages de ces inconnus liés par une même peine, une émotion collective partagée par le monde entier. Dans ces quelques plans, des visages défilent, miroirs des différentes générations héritières de Lennon. Il y a des anciens des Protesteers, les années de protestation, chevelus, barbus, des jeunes prolos, des blagues des quartiers défavorisés, agenouillés aux côtés de jeunes femmes en tailleur, des adolescents, le casque vissé sur la tête, un baladeur cassette dans la main. Impressionnante catharsis, avec pour trait d'union le souvenir et le visage de John Lennon, compositeur de la bande musicale de nos vies. Jusqu'à Moscou, on entend l'écho de ce silence, de cette voix perdue ce soir de 8 décembre 1980. Symbole de la jeunesse décadente de l'Ouest, les chansons des Beatles savaient pourtant braver la censure et le mur. Passant de main en main, sous le manteau, la musique des Beatles et de Lennon avait aussi accompagné la jeunesse soviétique, ce qui n'était pas du goût, évidemment, des caciques du Kremlin dont le pouls ne bat que pour les marches militaires et les vocalises des chœurs de l'armée rouge. Critiqués en 1968 pour leurs chansons trop apolitiques, les Beatles avaient été plus ou moins réhabilités ces dernières années par la presse soviétique. Un journal a même écrit, à l'occasion de la mort de John Lennon, qu'il était devenu politiquement plus conscient. Mais cette tolérance à l'égard d'un genre musical qui a longtemps été le symbole de la décadence occidentale ne va pas jusqu'à accepter les manifestations publiques de sympathie. La centaine de jeunes gens qui s'étaient réunis samedi vers minuit sur les monts Lénine à Moscou l'ont appris à leurs dépens. Ils voulaient célébrer la mémoire de John Lennon en arborant des photos et des badges du chanteur disparu et en écoutant des enregistrements des Beatles pratiquement introuvables dans le commerce. C'en était trop pour la police, qui, après leur refus de se disperser, a procédé à 6 arrestations pour trouble de l'ordre public. Le 8 décembre 1980, Lennon, comme Kennedy ou Luther King, devient par son histoire et sa mort violente un mythe de notre temps. Enfant du siècle, né en 1940 sous les bombes allemandes, ce working class hero a tout connu des temps nouveaux, partageant sa vie avec des millions de fans. En 1970, il enfile le costume blanc, celui de l'homme de paix combattant les guerres impériales, celle de l'Amérique contre le Vietnam. Il regarde tout au long de sa vie vers l'Asie, continent d'origine de son double féminin, Yoko. C'est avec elle qu'il devient Lennon, l'homme de l'engagement, d'Imagine, celui des coups médiatiques, des couvertures scandaleuses, des amitiés surveillées. En décembre 1980, la star se transforme en un mythe du XXe siècle. Après lui, il n'y aura que des idoles fissurées d'une Amérique gavée par la télévision, le cinéma et les hamburgers. La décennie 80 fera naître les blockbusters guerriers. La star s'appelle alors Stallone. En musique, le roi de la pop, Michael Jackson, est un gamin surexposé, préparé depuis son enfance à devenir lui aussi un immense génie, qu'il deviendra d'ailleurs, mais sans dimension politique. 10 ans plus tard, la terre du rock tremble un peu grâce au grunge de Kurt Cobain, un sursaut éphémère interrompu par la mort du leader de Nirvana. Puis c'est une autre histoire qui commence sur d'autres rythmes, mais c'est une autre histoire. Quant à John, Imagine, toujours et encore, il se serait peut-être retiré dans son monde rêvé, le Nutopia, né un 1er avril 1972. We announce the birth of a conceptual country, Nutopia. Citizenship of the country can be obtained by declaration of your awareness of Nutopia. Nutopia has no land, no boundaries, no passports, only people. Nutopia has no laws other than cosmic. All people of Nutopia are ambassadors of the country. As two ambassadors of Nutopia, we ask for diplomatic immunity and recognition in the United Nations for our country and its people. Nutopian Embassy, 1 White Street, New York, New York. Nous annonçons la naissance d'un pays conceptuel, Nutopia. On en devient citoyen en prenant acte de Nutopia, qui n'a ni terre, ni frontières, ni passeport, mais qui a un peuple. Nutopia n'a aucune loi, sinon cosmique. Tous ses citoyens en sont les ambassadeurs. Imagine. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, John Lennon, dont nous allons parler avec le connaisseur en chef dans ce pays, Jacques Volcouve, historien des Beatles. Bonjour. Merci de l'invitation. C'est vrai que vous êtes un connaisseur. Vraiment. Alors, dans la chanson qu'on vient d'écouter, John conclut « Dream is over ». Alors ça, c'est lourd de sens. Qu'est-ce que ça veut dire, Dream is over, dans ce disque sorti au tout début de la décennie 70-80? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Eh ben, il veut nous dire que, il le dit clairement dans la chanson, les Beatles c'est terminé. Maintenant, j'ouvre une nouvelle partie de ma vie, un nouveau chapitre. Et c'est John et Yoko uniquement. Je crois en moi, je crois en Yoko. Le rêve est terminé. Donc maintenant, si vous voulez écouter les Beatles, il y a les disques qu'il disait dans certaines interviews. Mais je vais m'occuper uniquement de moi maintenant. Est-ce que John Lennon a été une conscience politique pour sa génération? Ou pas? Il y a débat autour de ça. Hein. Il l'a certainement été dans l'état d'esprit de certaines personnes. On se souvient des gros problèmes qu'il a rencontrés aux États-Unis avec l'administration Nixon, puisqu'il était surveillé par le FBI puisqu'il s'était un petit peu, il a eu des fréquentations de l'extrême gauche, qu'il a voulu faire en sorte que Nixon soit pas élu, que il était question de faire une tournée à travers tous les États-Unis qui se serait terminée à la convention républicaine. C'est là où ça commence à chauffer pour lui. John Sinclair aussi. Et John Sinclair, bien sûr. Et puis tout l'album de Sometimes in New York City qui ne parle que de sujets politiques. L'IRA, le sujet était important. Il y avait également cette militante féministe, Angela Davis. Donc c'est vraiment la période où il se voyait comme un artiste journaliste, au fond, d'une certaine façon. À enregistrer un disque le matin et à le sortir le jour même, puisque la pochette d'ailleurs représentait une première page de journaux. C'est bon. Et effectivement, ça a été un moment, le moment le plus politique de sa vie, mais en même temps, on savait que John pouvait s'enthousiasmer pour un sujet, pour une cause, et puis passer à quelque chose de tellement différent dans la minute qui vous suivait. C'était un caméléon, comme il le disait dans une de ses interviews. Je disais qu'il savait bien manier les médias pour sa cause ou pour de bonnes causes, il avait le sens de la com et de la mise en scène. On est bien d'accord. Oui, c'était un peu le cas des quatre Beatles. Mais sa vie était filmée tout le temps. On se souvient de certains films d'avant-garde. Il y en a un qui s'appelait Self Portrait. Il y avait deux versions. Une version où on le voyait sourire pendant à peu près 45 minutes, mais comme c'était diffusé en version lente, ça faisait un film d'une heure et demie. Mais il y en a un aussi où c'était son sexe en érection. Ah oui, ça s'appelait Self Portrait. Ah, ça a été censuré, bien entendu. Il était nommé clown de l'année en 69. C'est pas gentil, ça. Hein. Pourquoi les journalistes ont-ils dit cela? C'est presque insultant, à moins qu'on ait le sens de l'humour. Mais ouais. Ah ouais, mais John adorait ça. Il a dit que il préférait faire rire les gens et les recevoir dans sa chambre d'hôtel pour parler de la plaie, plutôt que d'avoir une attitude très très sérieuse et que personne ne l'écoute. Expliquez-moi tout de même, c'est peut-être aussi ça son talent de manier les médias et l'opinion publique, pourquoi il les considérait comme l'esprit des Beatles, l'intellectuel des Beatles, celui qui était à l'avant-garde, alors qu'entre 65 et 70, dans la deuxième partie des Beatles, celle qui est la plus prolifique, la plus intéressante, je crois, vous me dites si c'est faux, que c'est plutôt McCartney qui était à l'avant-garde, qui lui vit avec Jane Asher, au centre de Londres, il était au centre des toutes nouvelles choses, et pourtant, c'est à Lennon qu'on attribue ça. Alors le problème avec Fabrice, c'est que à chaque fois, il me retire ce que je voudrais dire. Ah bon? Non, je suis désolé. Je suis tout à fait d'accord. Bien sûr, McCartney avait cette facilité, mais c'est John qui le coiffait au poteau à chaque fois. Mmh. Puisque effectivement, McCartney en 67 avait enregistré un morceau qui s'appelait Carnival of Light, qui était un morceau d'avant-garde, etc., qui n'est pas sorti, qui restait un morceau inédit des Beatles. S'il n'est pas sorti, c'est que peut-être que c'était pas si réussi. Mmh. Et puis Lennon, deux ans après, sort Revolution No. 9 et voilà, c'est moi qui suis à l'avant-garde. Comme les sons passaient à l'envers, McCartney travaillait chez lui dans des boucles sonores et puis Lennon l'utilise dans une de ses chansons rapidement. C'est bien résumé. Voilà, mais bon, ça a son charme. C'est pas très grave non plus. Non, c'est ça. Il y avait le côté compétition entre les deux qui était très salutaire pour les Beatles. Ça a donné notamment sur un single une face avec Strawberry Fields Forever de John et l'autre face avec Hello Goodbye. Et là, non, Penny Lane. Penny Lane. Et là, oui, Penny Lane. Et c'est là qu'on voit le côté solaire de McCartney, le côté introspectif de Lennon. Ça, c'est une émulation formidable. Oui, et c'était quasiment tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. Il y avait le côté optimiste de Paul et puis John qui entrait en studio puis qui lançait un truc tout à fait à l'opposé. Ça faisait une belle chanson. Voilà, alors dans l'émulation, on a eu des choses merveilleuses. Moi, je pense à une autre chanson qui est peut-être l'une des plus belles créations, pour moi en tout cas, de John Lennon. Ça s'appelle I'm the Walrus. Ça parle d'Amorce, ça parle de lui, ça parle d'eux, ça parle de nous. Nous sommes au pays des merveilles de Lewis Carroll. Ah oui, avec une méprise. Lennon pensait que le personnage du mort, c'était un personnage positif. Et puis, quand il avait relu toute l'histoire, il s'est rendu compte que c'était un personnage négatif. Donc, il s'est trompé de personnage. Alors, j'ai choisi de passer cette chanson parce qu'elle met en avant, comme d'autres auraient pu le faire, donc tout le génie musical de John Lennon dans cette composition-là. Il a étudié les étoiles. Il est même dans les étoiles. Oui, et comme on le disait il y a quelques instants, il est capable dans la même année de signer un autre morceau, Strawberry Fields Forever. Et puis quand même, il y a cette collaboration mais merveilleuse avec un homme qui s'appelait George Martin, oui, qui a su traduire en son, qui a su peindre ses sons et les traduire comme quelque chose de concret qu'on peut tous écouter. Quelle merveilleuse. Quand même, les cordes, c'est lui qui les a arrangées. Mais les montages, il était quand même à leur service. C'est-à-dire que très vite, lui qui était un peu le maître d'école au début, il a été très vite le disciple des Beatles après. Et le cinquième Beatles, comme on dit aussi. Alors ça, je n'aimais pas cette. Non, je trouve qu'il y a que 4 Beatles qui étaient sur scène et donc il n'y a jamais eu de 5e Beatles. Bon, le caractère de John, de ce qu'on dit, bon, moi je le connaissais pas, hein, hélas, mais de ce qu'on dit, c'était pas un caractère facile non plus, John. Personnalité compliquée. Alors il avait une grande gueule, il vous testait. Il avait l'habitude très facilement d'humilier les gens, mais si vous lui teniez tête, alors il passait sous le tapis. Et ça, Paul l'a souvent vu, Paul McCartney l'a souvent vu. Et puis il y a cette histoire où il s'engueule, et puis tout d'un coup Lennon retire ses lunettes, puis regarde Paul avec un air un peu taquin, fait « It's only me, c'est juste moi !» Oui, des dramatismes. Oui, tout à fait. George Harrison avait dit « Tant que John sera mort, les Beatles ne se reformeront pas. » C'est une grande critique géniale. Bien sûr. Mais quand il... j'y arrive. Quand il était vivant, est-ce que John a envisagé, lui, une reformation, ou était-il totalement réfractaire à cette idée? Peut-être pas de vitam aeternam, d'ailleurs. Mais au milieu des années 70. À partir de 73, on a failli avoir une reformation des Beatles pour l'album Ringo, où pour la première fois, dans un même studio à Los Angeles, il y avait John Lennon, George Harrison et Ringo Starr pour une chanson qui s'appelle I'm the Greatest. Et puis, à la même période, il avait donné une interview à Elliot Means, qui est un journaliste qui était devenu un petit peu son porte-parole. Et ils étaient sur la plage à Malibu et il lui pose la question. Et John lui répond, oh, tu sais, l'eau a coulé sous les ponts. Moi, je fonctionne à l'instinct. Qui sait si Paul, George et Ringo m'appellent? Pourquoi pas, disait-il. Mais ça s'est jamais fait. Et effectivement, ce 8 décembre a marqué la fin définitive des Beatles. Eh oui. John a énervé parfois... les fans des Beatles, les connaisseurs ou ceux qui aiment tout simplement dans cette façon de briser le mythe. D'ailleurs, il disait pas les Beatles, il disait Beatles, qui envahit ma vie. Il est temps de terminer tout ça. Et puis c'était parfois n'importe quoi. Harrison aussi parle souvent comme ça. Paul McCartney jamais. Oui, mais comme je le dis, ah si, McCartney au départ voulait absolument pas entendre parler des Beatles, il voulait même pas reprendre les chansons. Au départ, mais après les affaires financières, voilà, parce qu'il était traumatisé. Il a fallu que ça se... Mais pour John, comme on le disait, il était capable de dire blanc un jour et le lendemain noir. Et je me souviens que la première convention Beatles qui s'est déroulée en 74 à New York, il avait envoyé Mépin, qui était donc sa nouvelle maîtresse. La secrétaire. Qui était... et pour lui acheter des disques pirates des Beatles, la convention, il voulait des Beatles goodies et il disait I'm a big Beatles fan. Donc non, tout ça faisait partie d'une sorte de jeu. Et encore une fois, il retire ses lunettes et de s'en aimer, c'est juste à moi. Alors, la période Beatles, rappelons-le, pendant la période Beatles, l'une des grosses contributions de John Lennon, c'était All You Need Is Love, hein, en 67 aussi, je crois, ouais. Décembre 67. Non, fin d'année, non. Non, en juin 67. D'accord. Pour la montée. Vision. Quelques semaines après la sortie de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, c'est quand même hallucinant. Non, je sais plus. Voilà. Et donc là, voilà, cette chanson-là, par exemple, un peu comme Imagine, c'est au-delà d'une chanson, c'est un hymne. Et Lennon avait le chic pour ça, hein, pour trouver des hymnes. Oui, et comme Give Us a Chance, ce sont des chansons qui sont hyper simples, peut-être un petit peu faciles, mais au moins on les retient très très facilement. Et c'est ce qui fait qu'on en parle, on écoute. Enfin, encore la dernière tournée de Noel Gallagher terminait ses concerts avec All You Need Is Love. D'Oasis. Ex-Oasis, précisons-le. D'ailleurs, quand même dire, puisqu'on parle de ça, que la musique de Lennon, attendez, mais écoutez le nouveau single de Liam Gallagher qui sort aujourd'hui en vidéo, All You're Dreaming Of, c'est du Beatles, ça fond la caisse, quoi. Enfin, Lennon sort de ce corps, quoi. Bravo, Liam, quelle merveilleuse chanson. Alors, John Lennon, c'est une carrière avec les Beatles et c'est une carrière solo pendant 10 ans. Quel regard portez-vous sur la carrière solo de John Lennon au-delà d'Imagine, qui est la chanson la plus connue? Quelle est cette œuvre de John Lennon? C'est une œuvre qui a été un peu mal comprise. Faut se rappeler que si aujourd'hui on considère le premier album Lennon Plastic Ono Band comme une véritable réussite et quelque chose qui est un classique, il avait en face de lui un coffret sorti par son copain qui s'appelait George Harrison et ça s'appelait All Things Must Pass, qui était numéro un dans le monde entier. On disait à l'époque qu'il vaut mieux écouter, oublier les Beatles et écouter George Harrison. Bien sûr, après il a fait Imagine, qui est le même message que le Plastic Ono Band mais avec du sucre autour, en l'occurrence les cordes. Je trouve que après l'un de ses grands disques, c'est immanquablement Walls and Bridges. Moi, j'ai un grand... Il y a Mind Games dessus. J'ai un grand faible pour Mind Games, qui était l'album précédent. Dans l'album posthume, Milk and Honey, j'aime beaucoup. Il y a une sorte de disons, de spontanéité et de puissance et de dynamisme qui n'est pas dans Double Fantasy. Avec I'm Stepping Out, notamment. I'm Stepping Out, ouais. Oui. Et puis ces paroles prophétiques, Nobody told me there would be days like this. Strange days indeed, traduction. Oui. Personne ne m'avait prévenu d'une telle période que ces journées sont bizarres. Mmh. On est en plein dans l'actualité. Est-ce qu'il a des héritiers, John Lennon, sur la planète musicale? Qui pourrait lui ressembler? Qui peut porter l'héritage musical? Alors, selon vous, musical, je dis bien. Alors, bien sûr, je parlais à l'instant de Liam Gallagher. D'ailleurs, il a appelé son fils Lennon Gallagher. Ouais, il y a aussi des groupes comme Fountains of Wayne, Broken Bells, Duckworth Lewis Method. Et puis, plus ancien, il y a Train, Pilot, The Knack, Red Hot Chili Peppers. Ah, vous mettez comme héritier de John Lennon, Red Hot. Ah ouais, ouais, il y a certaines chansons, d'accord, c'est hallucinant. D'accord. Ouais, Squeeze, Crowded Hours. Mais en même temps, c'est du Lennon, c'est du Beatles aussi. Ça reste indéniablement quelque chose de fort. Et on l'a vu lors de cette célébration du 80e anniversaire du 9 octobre, le nombre de concerts qui lui ont été consacrés dans le monde, des émissions de radio et télévision. Et la nôtre, on est une aujourd'hui aussi. Merci, Fabrice. S'il était vivant, il aurait donc 80 ans. Voilà, c'est absolument, fou, absolument. Ça vous fait plaisir que des grands médias, comme France Inter, notamment, consacrent une journée à John, évidemment. Ça montre la dimension du personnage, quand même. Heureusement que France Inter est là, parce que le reste des médias français... Mais nous sommes là, Jacques. Absolument, merci. Et merci d'être venu, puisque nous sommes là. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais oui, à bientôt. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'assassinat de John Lennon, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Merci à Pauline Laverdure qui était à la technique aujourd'hui.